Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce mag sur Radioactive. Dans cette nouvelle édition, cap sur le marché de Noël de Montlouis-sur-Loire qui s'est tenu récemment à l'espace Ligeria et où Alain est allé à la rencontre des exposants. Au programme, une autrice de romans historiques ou encore une céramiste, toutes deux originaires de Montlouis, des producteurs de confitures et de nombreux stands débordant de créations originales proposées par des habitantes. Un moment sympa, riche en découvertes, que l'on vous fait partager dès maintenant. Je suis avec Dominique Lévenez qui va nous présenter un peu ce qu'elle fait et comment elle est arrivée sur ce marché de Montlouis. Bonjour, donc je suis arrivée sur le marché de Montlouis parce que d'abord je suis montlouisienne, donc voilà, c'était important pour moi d'être présente pour présenter mes ouvrages. Donc ce sont des romans historiques qui se déroulent en Touraine au XIIIe siècle sous Saint-Louis et plus précisément à Montlouis. Une chronique familiale donc en trois tomes d'une famille de médecins et de chevaliers au temps de Saint-Louis, médecins de Saint-Louis et donc à ce titre amené à suivre le roi en croisade et dans tous ses déplacements. Donc la famille est basée sur Montlouis, mais il est question du royaume de France en général à cette époque-là. Du Moyen-Âge en général. Voilà. De ce Moyen-Âge en général. Il est question aussi de la construction de Notre-Dame de Paris, puisque aujourd'hui c'est un moment important pour elle. Et donc voilà, elle est tout à fait présente dans mes romans, puisqu'elle fait partie du contexte et de l'époque. Et justement, comment vous êtes arrivé au marché de Montlouis? C'est une idée qui est venue comme ça ou... Eh bien, écoutez, le titre de ma trilogie, c'est « La Ligérienne ». Hein, la Ligérienne Pérégrination, la Ligérienne Les Béguines du Roi et la Ligérienne Le Miroir des âmes. Et ma foi, vendre la Ligérienne à l'espace ligérien, je trouvais que c'était plutôt pas mal. donc voilà, et puis ça me permet de rencontrer des Montlouisiens et de parler de mon travail et de le situer donc, dans cette époque où ce télescope, les événements on va dire, d'aujourd'hui, comme je faisais référence à la cathédrale, à Notre-Dame, et les événements d'autrefois, puisque ce sont des romans historiques. Alors, les personnages sont fictifs, mais par contre, ça s'inscrit dans le contexte et la réalité historique de l'époque. Si les gens veulent vous joindre en dehors, bien sûr, du marché de Noël, qu'on espère peut-être vous revoir l'année prochaine. Bah, écoutez, oui, bien sûr, c'est pas la première fois que je participe. Hein. Ça fait plusieurs marchés plusieurs fois que je viens au marché de Noël de Montlouis. Et autrement, mes romans sont en vente dans toutes les librairies, Fnac, Cultura, etc. Voilà. Un site ou un endroit pour vous joindre? Alors, je suis présente sur Facebook à Dominique Lévenez, auteur. Et autrement, les personnes qui sont intéressées peuvent aller donc dans toutes les librairies. Et je suis éditée aux éditions Complicité. Eh bien, je vous remercie pour cette petite interview pour Radioactive. On a la chance d'avoir une écrivaine à Montlouis. Allez la voir parce que c'est toujours intéressant de connaître un peu l'histoire et ce qui se passe spécialement avec des héros montlouisiens. Tout à fait. Merci. Merci à vous, au revoir. Je suis toujours en direct du marché de Montlouis, le marché de Noël. Et avec moi, j'ai les mamans d'Alsace. Donc, vous allez vous présenter un petit peu. Donc, on est les mamans d'Audace, de Semblancé, artisans confituriers depuis 10 ans maintenant, plus de 15 ans, pardon. Et nous créons des confitures avec des mélanges de fruits entre eux, avec des légumes, des épices, des alcools. Des confitures que vous pouvez déguster tous les moments de la journée, du petit déjeuner jusqu'à l'apéritif, en passant avec des fromages, de la charcuterie pour certaines. Des confitures avec beaucoup de fruits et très peu de sucre. Est-ce que c'est des recettes modernes que vous avez pris, puisqu'on est en Touraine, on est une terre d'histoire? Est-ce que vous avez des recettes de grand-mère ou même beaucoup plus anciennes? Alors les recettes, on en a créé quelques-unes. On travaille comme nos grand-mères, puisqu'on est en bassine en cuivre et on fait des confitures comme elles le faisaient dans le temps. Par contre, on met beaucoup moins de sucre qu'elles le mettaient. Et on crée des recettes et on innove, on essaie de trouver des petits parfums qui n'existent pas en mélangeant certains fruits entre eux. Et justement, c'est un attrait actuellement pour les gens, justement, le sans sucre, et je pense que c'est dans l'air du temps. Oui, les clients veulent déguster sans beaucoup moins de sucre qu'à l'époque, et le fait est que de pouvoir mélanger des fruits et très peu de sucre conserve tous les goûts du fruit et on retrouve toutes les saveurs du produit. C'est vrai qu'au niveau des saveurs, on avait tendance avec les édulcorants ou toutes les choses chimiques. Et le fait de travailler du produit, disons, plus noble, ça doit être aussi plus intéressant pour vous. Exactement, oui. De ne pas mettre de colorants ou de conservateurs ou des arômes. Pour nous, c'est plus intéressant puisqu'on va falloir vraiment pousser avec un épice ou un alcool pour retrouver une petite saveur, pour retrouver un mélange particulier qui va donner une puissance aux fruits, retrouver un fruit bien agréable à savourer en bouche. Et comment êtes-vous arrivé sur le marché de Mont-Louis ? C'est par connaissance ou par hasard ? Alors là, par contre, ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'on vient sur le marché de Mont-Louis, qu'on est fidèle à venir au marché de Noël. Maintenant, me rappeler comment on a pu y rentrer, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, on est bien content de pouvoir revenir tous les ans, faire plaisir à nos clients dans la région de Mont-Louis. Eh bien, je vous remercie. Et puis, bon marché de Noël et un moment d'audace. J'avais fait une petite erreur tout à l'heure. Bon, mais c'est vu que c'est un petit peu éclairé difficilement, mais vous êtes très bien rattrapé. Bon, je vous souhaite un bon marché de Noël. Et puis, à bientôt sur Radioactive. Et les auditeurs gourmands, n'hésitez pas à venir. Il y a de très bons et de très beaux produits. Merci. Bonjour, mesdames. Alors là, je suis sur un stand. Qu'est-ce que vous exposez, mesdames ? Bonjour, messieurs. Toutes les choses faites à la main. Nous tricotons, nous crochetons. Petits sacs à main. C'est bon. Des petits sacs à main, en effet. Alors, que vous pouvez vous présenter toutes les deux ? Je m'appelle Valentina. Et Sveta. Je vois que vous faites aussi des sacs, des petits tableaux. Oui, on fait un sac, un petit tableau, toutes les choses, chaussettes. Et bijoux aussi avec les strass. Beaucoup de choses pour cadeaux pour Noël. Très bonne idée. Et vous êtes Montlouisienne ou vous êtes de la région ? Nous sommes Montlouisiens. J'habite à Mont-Louis depuis 2017. C'est la première fois que vous faites le marché de Noël, toutes les deux ? Oui, c'est notre première expérience. Eh bien, merci mesdames, bonne continuation et bon marché de Noël. Merci à vous, oui. Bonjour, je suis avec une Montlouisienne, une exposante Montlouisienne. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, oui, je suis Montlouisienne. Alain, bien sûr, tu le sais, je suis d'ailleurs même née à Mont-Louis. Donc, après une vie d'activité professionnelle bien remplie, j'ai donc décidé, arrivé à la retraite, de continuer de faire des choses qui me plaisaient. Et je me suis consacrée donc à la céramique. Voilà, après une formation en atelier professionnel, où j'ai été donc formée sur toutes les sortes de terres, les émaux, les cuissons, tout ce qui va avec les métiers de la terre. Et après, donc, Thierry, mon mari, a construit mon atelier. Et maintenant, je fais donc de la céramique avec deux fours, un four électrique pour cuire la terre et un four à raku. Le raku, c'est un mode de cuisson japonais. On sort les pièces de céramique à très haute température pour que l'émail éclate. Voilà, ça donne un décor spécial et moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, sur le marché, j'ai un petit peu de tout. J'ai des pièces en céramique traditionnelle et j'ai aussi des pièces de raku. Des sculptures, des poteries. Je ne fais pas de vaisselle. C'est un autre métier potier. J'ai un tour, mais je ne tourne pas. D'ailleurs, c'est beaucoup d'heures de travail, hein, apprendre à tourner sur un tour. Donc, je travaille la terre avec les colombins, avec la plaque, en estampant aussi dans des formes. Et je ne fais pas de vaisselle. Je fais des vide-poches, des choses comme ça, des pots. Plein de pots pour les plantes, mais je les fais à la main. Je les fais à la main. Voilà, tout est fait à la main. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Voilà. Un véritable artisanat. Voilà, c'est de l'artisanat avec des terres locales. J'aime bien dire que je travaille avec des terres locales. Une terre que j'achète à La Rochouze. Oui, en plus, on reste en Touraine. Voilà, à côté donc de Lanchet. Voilà, les terres de La Rochouze. Et voilà. Et cette passion t'est venue comment ? Enfant, tu avais un côté artistique ? J'ai toujours eu un côté artistique. Voilà. J'ai commencé par la peinture qui demande un investissement moins important. Pastel, peinture acrylique et peinture à l'huile. Et après, je suis venue à la terre. Et la terre, dès qu'on touche la matière, là, c'est la passion. Hein. C'est beaucoup plus... Et puis, c'est un investissement, je veux dire, beaucoup plus important en matériel, en espace. Parce qu'autant la peinture, on arrive quand même à s'isoler, à plier le soir. Mais là, la terre, non, c'est pas possible. Donc, j'ai vraiment un espace. Et pour optimiser cet espace et ce matériel, maintenant, je me consacre à la terre. Et c'est la première année que tu fais le festival ou ça fait plusieurs années? Parce que là, on vient d'interviewer différentes personnes, on a des débutants. Non, moi j'ai commencé, j'ai eu mon atelier, donc tu as compris, en arrivant à la retraite, donc ça va faire 7-8 ans. Et ça va faire à peu près 5-6 ans que je fais les marchés à Mont-Louis, puisque je suis Mont-Louisienne, donc je fais le marché de Noël. Et je fais après les marchés l'été sur les bords de la Loire. Tu sais, il y en a un au mois de juillet, voilà, un en juillet, un en août. Et je fais aussi le marché d'automne, voilà. Ça me suffit pour écouler ce que je fais dans l'année. Et si des gens n'ont pas la chance de venir aujourd'hui au marché de Noël ou au prochain de l'année prochaine, est-ce qu'on peut voir tes œuvres? As-tu un site ou une adresse? Alors oui, mais je n'ai pas de magasin à proprement dit, mais j'ai quand même à la maison les gens. Je donne ma carte, je dis aux gens qu'ils peuvent venir me voir, que je les accueillerai avec plaisir. Et là, du coup, je peux leur faire voir mon atelier, mes fours. Et j'ai un site aussi Instagram que j'alimente au fur et à mesure des créations, mais pas toujours parce que je ne suis pas très, très réseaux sociaux. Voilà. Mais on peut venir me voir avec plaisir. Au contraire, j'aime beaucoup échanger avec les gens qui sont intéressés et qui me posent des questions. Voilà. Et donc, c'est sur Mont-Louis ? Mont-Louis, j'habite Mont-Louis, au Cormier. Donc voilà, au Cormier, 4 rue d'Azé. Voilà, Célia. Et mon site, c'est Terre Mêlée. Voilà, tout simplement. Voilà, donc sur Instagram. Donc, eh bien, on te remercie, Célia, et puis on te souhaite un bon marché, et puis beaucoup, beaucoup de ventes. Et puis, si vous êtes auditeur de Radioactive et que vous voulez en savoir un petit peu plus. Oui, c'est ma radio dans mon atelier. Ah, en plus. Dans mon atelier, j'écoute Radioactive, en effet. Voilà, donc. Et puis j'espère qu'on se reverra, oui. Peut-être même, pourquoi pas être invité sur Radioactive pour venir nous parler un petit peu de tes activités. D'accord, ok, avec plaisir. Merci. À bientôt, au revoir. Bonjour, alors pour Radioactive, nous sommes encore au marché de Noël de Mont-Louis, deuxième journée, et je suis avec la grande organisatrice de cet événement, hein, parce qu'elle était au four et au moulin, on s'est entrevus. Et puis, bien, elle va nous annoncer un petit peu le bilan, comment ça s'est passé, combien d'exposants il y avait, et puis à peu près, et puis la fréquentation, et comment ça s'est passé, cette organisation. On avait un peu plus d'une cinquantaine d'exposants cette année. La fréquentation sur les deux jours, à peu près autant que l'année dernière, donc on est plutôt contents. Malgré une météo capricieuse, du vent, de la pluie, on a pu maintenir le feu d'artifice. Donc, bonne nouvelle. Et voilà, une édition qui se termine tranquillement. Voilà, on est content. Donc, une bonne session cette année. Pas de problème spécial. C'est vrai que la pluie a été un petit peu handicapante hier. Aujourd'hui, c'est plutôt le froid. Et puis, il y avait aussi la concurrence de pas mal de marchés, comme on a pu le voir. Mais ça a été fourni, bon, ayant participé aux deux jours, j'ai pu voir que c'était quand même assez fourni. Et puis, il y avait un panel d'artisans quand même assez intéressant. Oui, c'est vrai que la météo n'a pas joué forcément en notre faveur et la concurrence avec les autres marchés de Noël, c'est finalement pas tant fait ressentir. Après, sur les habitudes du public, c'est vrai que le samedi, les gens ont tendance à venir plus en fin d'après-midi parce qu'ils viennent voir le feu. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'affluence à partir de 17h, ce qui est un peu frustrant pour les gens quand on leur dit qu'on ferme l'espace Ligeria à 18h30. Mais bon, le bilan des deux jours est quand même très satisfaisant.